troisième partie, chapitre 33, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 33, des balles et des autres divertissements permis mais dangereux. Les danses et les balles sont des choses indifférentes de leur nature, mais leur usage tel qu'il est maintenant établi est si déterminé au mal par toutes ces circonstances qu'il porte des grands dangers pour l'âme. On les fait durant la nuit et dans les ténèbres qui ne peuvent être suffisamment éclairées par les illuminations. Et il est aisé, à la faveur de l'obscurité, de faire glisser beaucoup de choses dans un divertissement qui est susceptible de mal. L'on y fait de grandes veillées qui font perdre le matin du jour suivant, et par conséquent, tout le service de Dieu. En un mot, c'est toujours une folie que de faire la nuit du jour, et le jour de la nuit, et de laisser les œuvres de piété pour des folâtres plaisirs. L'on porte au bal de la vanité à l'envie et par émulation les uns des autres. Et la vanité est une si grande disposition à toutes mauvaises affections et aux amours dangereuses et blâmables, que c'est la suite ordinaire de ces assemblées. Je vous parle des balles filotées, comme le médecin parle des champignons. Les meilleurs, disent-ils, n'en valent rien. Et je vous dis que les meilleurs bals ne sont guère bons. S'il faut manger des champignons, prenez garde qu'ils soient bien apprêtés et mangez-en fort peu, car pour bien apprêtés qu'ils soient, leur malignité devient un vrai poison dans la quantité. Si par quelque occasion dont vous ne puissiez absolument vous dégager, il faut aller au bal. Prenez garde que le danse y soit bien réglé en toutes ses circonstances, pour la bonne intention, pour la modestie, pour la dignité et la bienséance. Et dansez le moins que vous pourrez, de peur que votre cœur ne s'y affectionne. Les champignons étant spongeux et poreux, attirent aisément, selon la remarque de Pline, toute l'infection qui est autour d'eux, et les venins de serpents qui peuvent s'y trouver. De même, toutes ces assemblées ténébreuses attirent ordinairement les vices et les péchés qui règnent en une ville, les jalousies, les bouffonneries, les railleries, les querelles, les folles amours. Et parce que leur appareil, le tumulte et la liberté qui dominent échauffent l'imagination, agitent les sens, et œuvre le cœur au plaisir. Si le serpent vient souffler aux oreilles une parole sensuelle ou quelque cajolerie, si l'on est surpris des regards de quelque basilic, les cœurs sont tout disposés à en recevoir le venin. Au filoté, ces ridicules divertissements sont ordinairement dangereux. Ils dissipent l'esprit de dévotion. Ils affaiblissent les forces de la volonté et refroidissent la sainte charité. Ils réveillent en l'âme mille sortes de mauvaises dispositions. C'est pourquoi l'on ne doit jamais se les permettre dans la nécessité même qu'avec de grandes précautions. Mais l'on dit surtout qu'après avoir mangé des champignons, il faut boire du vin le plus exquis. Et je vous dis qu'après ces assemblées, il faut avoir recours à quelques considérations saintes et fortes vives qui préviennent les dangereuses impressions que le vain plaisir pourrait faire sur l'esprit. Et voici celles que je vous conseille. 1. En même temps que vous étiez au bal, plusieurs âmes brûlées dans l'enfer pour des péchés commis à la danse ou par une mauvaise suite de la danse. 2. Plusieurs religieux et personnes de piété étaient à la même heure devant Dieu, chanter ses louanges et contempler sa divine bonté. Oh, que leur temps a été bien plus heureusement employé que le vôtre. 3. Tandis que vous dansiez, plusieurs personnes sont mortes dans une grande angoisse. 1000 milliers d'hommes et de femmes ont souffert les douleurs de maladies les plus violentes en leur maison et dans les hôpitaux. Hélas, ils n'ont eu nul repos, et vous n'avez eu nulle compassion d'eux. Ne pensez-vous point qu'un jour vous gémirez comme eux, tandis que les autres dansent? 4. Notre Seigneur, la Sainte Vierge, les anges et les saints, vous voyez au bal. Ah, que vous leur avez déplu en cet état, avec un cœur occupé d'un amusement si badin et si ridicule. 5. Et là, tandis que vous étiez là, le temps s'est passé, la mort s'est approchée. Considérez qu'elle vous appelle à ces passages affreux de temps à l'éternité, mais l'éternité de bien ou de peine. Voilà les considérations que je vous suggère, mais Dieu vous en sert à naître d'autres plus fortes si vous avez sa crainte. Fin de chapitre 33, troisième partie.